va trop vite là. Attends, on va essayer. Attends, j'ai un problème de tempo, j'ai pas compris pourquoi. Je vais essayer. Ensemble. Je vais essayer ensemble. J'ai pas bien compris pourquoi. Mais ça ferait vraiment trop vite là. Attends. Faut que je compte le nombre de mesures. Non, mais tu vas comprendre. Après, il y a une piste piano pour que tu reconnaisses, mais toi, tu le sais jouer. Voilà. On va essayer 16 déjà. J'essaye. En 16 déjà. En 16 déjà. 2, 3. C'est bizarre, ça se décale. Ça se décale, putain. Pourquoi ça se décale alors que j'ai le même tempo là? Je comprends rien du tout là. Salut. Ben pourtant, je suis synchro. Je suis en tempo 100 sur Reaper. J'ai pas bien compris pourquoi ça fait ça. Il y a pas des exceptions. Voilà. Je recommence. Ah, mais je suis peut-être pas au début là, attends. C'est pas bien qu'elle est comme ça. Ah si, pourtant c'est midi fa, alors pourquoi? Attends, tac. Là. Ah putain, ça repart sur le... Ouais, c'est bizarre ça. Bon bah excusez-moi, je voulais faire un truc à... Je voulais que tu me le joues parce que je sais que tu sais jouer. Oh putain... Pourtant, il y a bien. Ah ouais, je crois que je me suis trompé, ouais, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Merci. Eh ben oui, je reconnais. Hein. Je voulais faire une surprise, mais c'est raté. C'est un dernier test. Et après j'arrête de me casser les couilles. La vidéo. Ça y est, c'est bon. Ça y est. C'est ok. Voilà. Ok. puissant. We'll be right back. Merde, putain, c'est dur à faire partir après. Oh putain, j'ai compris mon truc. 3, 4. Attends. J'ai... Ah ouais, mais après pour remettre la boucle. Ah d'accord. Bon, on remet en. Comment on fait pour que ça soit plus facile? Non, je vais y arriver. Ok. J'ai capté, ouais, mais je savais pas combien il fallait que tu mettes de mesure. Je vais voir après combien on peut mettre. Alors attends. 100. Compris, hein. On avait fait une fois avec un morceau de téléphone, je crois. Voilà, ça va être plus facile. Voilà. Bouge pas pour moi. Excuse-moi.